Voici maintenant une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose », présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. La fin d'une trop courte vie. Les deux prêtres, armés seulement de leur foi, mènent un combat acharné. Et selon les dires de la possédée, la Vierge Marie elle-même intervient pour redonner du courage à ses serviteurs. L'espoir renaît au cours de l'automne car les démons, les uns après les autres, avouent devoir abandonner le corps de la jeune fille. Le départ du dernier, Lucifer, laisse présager du succès des exorcismes lorsqu'un hurlement épouvantable déchire cette illusion. Le père Renz demande qui est encore là et obtient pour seule réponse « moi ». L'inquiétude s'accroît chez les proches d'Anne-Lise, d'autant plus que son état de santé se dégrade parfois dangereusement. Santé physique bien sûr, car les nombreuses séances d'exorcisme sont épuisantes, le sommeil manque et l'alimentation est très difficile, parfois même impossible. Santé psychologique également, car les crises sont de plus en plus impressionnantes. Anne-Lise se frappe violemment le visage sur le plancher, se promène nue dehors en plein hiver, et lorsque des cris sortent de sa bouche, elle explique « Excusez-moi, ce n'est pas moi, c'est l'autre ». Inexorablement, son corps maigrit et de gros hématomes, certains considérés d'ailleurs comme des stigmates, contrastent douloureusement avec la pâleur de sa peau. Le 1er juillet 1976, vers 7 heures du matin, Joseph Michel entr'ouvre doucement la porte de chambre de sa fille. Il la voit allongée, calme, reposée. La veille, tard dans la soirée, il lui avait dit « Endors-toi, mon enfant, tout va maintenant s'arranger. Dorénavant, ils n'ont plus le droit de te tourmenter. » Joseph Michel pense avoir eu raison, mais il se trompe. Anne-Lise ne dort pas, elle est morte. Quelques mois auparavant, elle avait d'ailleurs déclaré au père Halte que le mois de juillet amènerait la résolution de son problème. C'est effectivement ce qui vient de se produire, même si l'issue souhaitée n'était évidemment pas celle-là. Sa mère Anna téléphone immédiatement à l'exorciste pour lui annoncer le drame. Quelques heures plus tard, le docteur Richard Roth est contacté pour venir rédiger le constat de décès, mais il se trouve aujourd'hui à Francfort et il va lui falloir environ 6 heures avant de rejoindre Klingenberg am Main. Arrivé sur place, il se rend compte avoir oublié les formulaires légaux et demande donc à son confrère local, le docteur Keller, de lui en fournir. Mais celui-ci recommande fortement de ne pas rédiger de certificat de décès pour l'instant, car il veut venir en personne constater l'état du cadavre. Sa conclusion est aussi simple que lourde de conséquences. Le docteur Keller ne croit pas qu'il s'agisse d'une mort naturelle. L'autopsie pratiquée ne retrouvera pas d'anomalie notable, ni au niveau viscéral, ni au niveau cérébral, alors que les neurologues évoquaient une lésion du lobe temporal gauche. Et la conclusion du pathologiste sera comme suit. Anne-Lise Michel est morte de privation alimentaire. C'est donc dans un tribunal que vont maintenant être évoqués les douloureux souvenirs d'une jeune fille morte beaucoup trop tôt, et on ne sait vraiment encore pourquoi. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose », présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou.